Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Pourquoi es-tu abattu? Comme si Dieu t'a abandonné, comme si Dieu ne t'aimait pas. Laisse-moi te dire, quand Jésus, tu es devenu héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Les problèmes d'argent que tu as là n'est que passager. Crois que l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Invoque-les, il va débloquer ta situation. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Romains chapitre 8, versets 1 à 11. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Romains 8, 1 à 11. Lisons ce passage. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Nous allons partager trois vérités tirées de ce passage et ces vérités vont inspirer nos prières. Première vérité, c'est une déclaration formelle. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour toi, mon frère, dans la mesure où tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as cru en lui. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Vous voyez, ici, il est écrit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce que tu comprends ce que le Seigneur veut te dire? Lorsque tu as accepté Christ, tu es passé de la mort à la vie parce que Jésus a été condamné sur la croix de Golgotha à ta place. Il a annulé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Pourquoi dois-tu accepter encore de vivre sous l'esclavage? Il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu sais ce qui se passe? Satan, lorsqu'il veut faire du mal à quelqu'un, même dans le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie, le monde du mysticisme, lorsqu'il veut faire du mal à quelqu'un, il commence d'abord par l'accuser. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas le ministère de l'accusation, parce que l'accusateur des frères, c'est Satan. Il cherche à t'accuser, il cherche à te condamner. Il dit, voilà, toi tu dois être condamné. Je veux dire à une jeune fille, écoute-moi bien, ce n'est pas parce que tu as fait des avortements dans le passé que tu n'as pas droit au mariage. Il y a un esprit de culpabilité. Il y a même des gens parfois qui te disent, toi, avec ce que tu as fait des avortements, tu ne peux pas accoucher, tu ne peux pas te marier. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il faut refuser cela. C'est annulé parce que Christ, à la croix de Golgotha, il a déchiré l'acte dont les ordonnances t'ont condamné. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il y a beaucoup de condamnations depuis Satan. Lui, il cherche à nous condamner à la mort. Il cherche à bloquer même parfois nos bénédictions. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Est-ce que tu comprends? Il n'y a plus de condamnation parce que le sang de Jésus a coulé pour que tu sois affranchi, pour que tu sois libéré. Et il explique ici Paul. Il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi la loi du péché et de la mort. Vous comprenez ce que Paul veut dire? Cela veut dire quoi? Lorsque tu as accepté Christ, il y a une autre loi, c'est la loi de l'esprit de vie. Nous avons vu hier qu'il y a une loi qui attire les hommes vers le mal. Une loi qui fait que même lorsque tu acceptes Christ, si tu te laisses conduire par la chair, tu te laisses dominer. Cette loi exerce un pouvoir en toi. Mais Paul dit, il y a une autre loi, la loi de l'esprit de vie. C'est pour dire que le Saint-Esprit, lorsque tu as l'esprit de Dieu, il te donne la capacité, le pouvoir, la puissance d'être libéré par rapport au péché. Et c'est le sang de la mort de Jésus sur la croix. Car il est dit ceci, lorsque Jésus est venu, Dieu a condamné, verset 3, le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Quand Jésus est mort, il a pris ta place là. Lorsqu'il est mort, sa mort signifiait aussi la condamnation du péché. C'est-à-dire que le péché là qui domine les hommes, lorsque Jésus a été crucifié, les péchés ont été cloués sur la croix de Golgotha. Jésus a vaincu le péché, c'est pour que le péché ne domine plus sur ta vie. Est-ce que tu comprends? Deuxième vérité, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Nous devons choisir soit de vivre selon la chair, soit de vivre selon l'esprit. Il est écrit ici, verset 5, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment les choses de la chair. Les choses de la chair, c'est quoi? Vous voyez par exemple l'ivrognerie, l'envie, la convoitise, l'immoralité, l'orgueil. Il y a des gens qui aiment ces choses, ils s'attachent à ces choses-là. Ça, lorsque tu es attaché à ces choses, donc tu vis selon la chair. On dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, c'est quoi? Ce sont les fruits du Saint-Esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bénignité, la bonté, la fidélité. Ce sont les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, c'est quoi? C'est tout ce qui nous aide à marcher selon la volonté de Dieu, la vie de prière, la vie de sanctification. Lorsque tu es chrétien, voilà les choses qui doivent t'intéresser. Je vais parler à un monsieur, regarde bien. Comment toi, lorsqu'on parle de la prière, même quand ta femme te réveille pour prier, tu n'aimes pas. Tu dis que tu n'as pas le temps, tu es fatigué. Mais lorsqu'il y a des amis qui t'appellent pour aller à Bassam, tu es le premier à partir. Tu devrais avoir honte, mon ami. Pourquoi ce sont les choses de la terre qui t'intéressent? Lorsque il faut même dépenser l'argent, regardez comment Dieu vous a béni. Il vous a donné une voiture, il vous a donné des maisons. Tu as la difficulté même de soutenir l'œuvre de Dieu. Quand on dit qu'il y a une église qui a besoin de construire, quand on dit qu'il y a un homme de Dieu qu'il faut soutenir, une église, une œuvre chrétienne, tu commences à discuter, vous commencez à faire des palabres avec votre épouse. Mais lorsqu'il faut donner dans votre parti politique, lorsqu'il faut donner comme parrain dans un village, dans une cérémonie, comme tu seras vu là, c'est là que tu débloques des centaines de millions, mon ami. L'argent que Dieu te donne là, tu dois savoir que ça doit servir à sa gloire. Toi, tu t'affectionnes seulement aux choses de la chair. Mais tu devrais t'affectionner aux choses de l'esprit si réellement tu dis que tu es chrétien. Et vous savez la conséquence, c'est quoi? Le verset 6 dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors toi, tu choisis quoi? Tu choisis la mort ou bien tu choisis la vie et la paix? Et le verset 7 dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire, si tu aimes la chair là, tu te fais ennemi de Dieu. Est-ce que tu comprends? L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Et il va dire, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu tant que tu t'affectionnes aux choses de la chair, aux choses de ce monde. Est-ce que tu comprends, mon ami? Troisième vérité, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit garantit notre appartenance à Christ. C'est ce que Paul veut dire ici, quand il dit au verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » On ne peut pas prétendre être chrétien si on n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous devons comprendre que, au moment de la nouvelle naissance, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, au même moment, Dieu te donne son Esprit et il te scelle de son Esprit. C'est un signe d'appartenance, un signe que tu es enfant de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, dans la mesure où tu as cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, il t'a donné son Esprit. Ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux plus faire n'importe quoi parce que le Saint-Esprit habite en toi. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que nous puissions glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous et pour ce qu'il est pour nous. Il est un Dieu bon. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu glorieux. Nous allons chanter ces cantiques. Papa, Gloire au Seigneur. Élève ta voix, bénis le nom de Jésus-Christ. Glorifie son Saint-Nom, lui qui est mort sur la croix de Golgotha, pour que tu sois libéré. Nous te bénissons, Éternel notre Dieu, toi qui as condamné le péché en nous envoyant Jésus pour mourir sur la croix à notre place. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre Père, toi qui nous as libérés de la loi du péché et qui nous a affranchis en Jésus. Béni sois-tu, ô notre Père, notre Seigneur, de ce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, car la loi de la vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous te bénissons pour cela, nous te glorifions pour la vie éternelle que tu nous as donnée. Merci, ô Seigneur, toi qui nous as rachetés à grand prix, tu nous as libérés par amour. Nous te bénissons et nous te glorifions pour l'amour que tu nous as manifesté en Jésus, en nous libérant. Nous bénissons ton nom, ô notre Seigneur, notre Père, toi le Père d'amour. Merci pour ta bonté et ta grâce que tu nous as manifestée. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Romains 8, 1 à 11. Vous pouvez réécouter cette émission dans notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Tu vas prier maintenant. Peut-être que tu es en train de vivre des moments d'accusation, des moments de condamnation. Peut-être que tu sens en toi une culpabilité parce que tu es tombé dans le péché. Si tu es tombé dans un péché, demande pardon et tu vas déclarer qu'il n'y a plus de condamnation pour toi parce que Christ est mort sur la croix. Il a annulé l'acte dont les ondances t'ont condamné. Peut-être que les gens t'ont condamné à rester malade toute ta vie. Peut-être que les gens t'ont condamné à le mysticisme, à ne pas te marier, à ne pas enfanter. Tu vas prier pour annuler toutes ces condamnation dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur maintenant. Éternel Dieu, toi qui règnes sur la terre et dans les cieux, toi qui as créé toutes choses, toi qui es le Dieu souverain, ce matin, c'est avec joie que nous invoquons ton Saint-Nom pour te glorifier et exprimer notre reconnaissance pour toutes tes réalisations. Sans toi, ô Père éternel, nous ne sommes rien. Ce matin, ô Père, nous nous tournons vers toi et nous prions sur la base de ta parole. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous déclarons dans le nom nom de Jésus, que toute condamnation, toute parole maléfique, toute malédiction prononcée contre nous est annulée au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons qu'aucune condamnation ne peut avoir effet dans notre vie. Nous déclarons notre épanouissement dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous nous affranchissons de toute forme de pesanteur spirituelle, de toute forme de lourdeur spirituelle, de toute sorte de limitation spirituelle. Nous déclarons dans le nom de Jésus que nous sommes affranchis des liens de la malédiction du célibat. Tu as déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnés, afin que nous soyons affranchis, afin que nous soyons libérés. Merci Père éternel, parce que nous sommes affranchis, parce que nous sommes des hommes libres et il n'y a aucune condamnation, il n'y a aucune limitation sur notre vie, sur notre destinée, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, toi qui nous procure chaque jour la paix et l'assurance. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Oui, nous venons de voir que nous pouvons vivre soit sans la chair, soit sans l'esprit. Mais nous devons choisir de vivre selon l'esprit. Nous ne devons plus nous affectionner aux choses de la chair, aux choses de ce monde. Tu vas prier le Seigneur, mon ami. Si toi tu sens en toi toujours le désir de t'affectionner aux choses de ce monde, prie le Seigneur pour qu'il t'en délivre et que le Seigneur crée en toi un désir nouveau de t'affectionner aux choses de l'Esprit de Dieu. Prions le Seigneur. Te dis merci. Merci parce que par la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, il a fondé une nouvelle famille. C'est pourquoi ce matin, merci parce qu'il nous a donné son esprit et son sang nous couvre nuit et jour. Nous avons ta parole. Notre rôle, c'est de te louer, d'aller partout le monde annoncer la bonne nouvelle et ne plus affectionner les désirs charnels, l'impudicité, l'idolâtrie, les querelles, la jalousie, la vengeance, la gloutonnerie. Toutes ces choses, tu nous as dit que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Aide-nous à affectionner, à aimer le Saint-Esprit, à aimer la parole de Dieu, la méditer nuit et jour, comme tu l'as dit dans Josué. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à être connectés à toi, notre Dieu. Nous avons soif de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Viens nous remplir, viens nous inonder. Ô Seigneur, pour que par ton esprit, nous soyons toujours dans ta présence. Gloire à toi, Saint-Esprit, parce que tu vas nous conduire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que le Saint-Esprit en nous garantit notre appartenance à Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu vas lui dire merci pour le Saint-Esprit qui habite en toi. Mais tu vas prier surtout pour que réellement tu te laisses diriger, conduit par le Saint-Esprit chaque jour et que tu ne puisses pas attrister l'Esprit de Dieu qu'il a mis en toi par ta marche. Il faut au contraire que l'Esprit de Dieu puisse te conduire chaque jour dans la vérité au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Sur la brèche, Seigneur, nous te levons ce matin et nous te glorifions parce que tu ne nous as point laissés orphelins, tu nous as donné ton esprit. Nous prions que cet esprit soit entretenu en nous, que cet esprit soit éveillé en nous, que l'Esprit Saint se manifeste en nous, que chaque jour, Seigneur, nous puissions être conduits par l'Esprit, car il est écrit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Seigneur, en tant que fils de Dieu, donne-nous de ne faire toutes choses selon l'Esprit. Donne-nous Saint-Esprit de Dieu, oui, de nous engager dans les choses de Dieu. Cher Saint-Esprit, donne-nous d'avoir le cœur de Dieu, de prier selon toi, selon ta volonté, non pas selon nos désirs, non pas selon nos vœux, mais Père, donne-nous par ton esprit de prier selon la volonté de notre Dieu qui veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité, qui veut que nous prions pour les autorités, qui veut que nous prions pour les non-convertis, qui veut que nous prions pour l'avancement du royaume, qui veut que nous prions pour les changements de nouveau, qui veut que nous prions pour que les malades soient guéris. Cher Saint-Esprit, toi qui donnes les dons ce matin, accorde les dons à tes enfants, accorde le fruit de l'esprit à tes enfants pour que nous agissions non pas par le moi, non pas par la chair, non pas par la volonté humaine, non pas par un homme, quel que soit, Seigneur, son titre de serviteur, mais que nous marchons par l'esprit, nous vivons par l'esprit, nous fassions confiance à l'esprit. Merci, Père, pour cet esprit maintenant qui agit dans la vie de quelqu'un. Je t'ai baptisé de cet esprit ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je veux rappeler que nous n'aurons pas notre rencontre habituelle bonheur conjugal ce dimanche 21, mais nous aurons plutôt la rencontre bonheur conjugal des couples pour les dimanches qui va suivre, c'est-à-dire les dimanches 28 février à partir des 17h au supper. Ce sera la rencontre de mariés. Notre thème que nous allons poursuivre, c'est la réalité du combat spirituel dans le couple. Viens à cette rencontre, tu vas comprendre comment l'ennemi bloque nos bénédictions, comment l'ennemi combat même la famille, combat les enfants, comment même certains cas de stérilité peuvent avoir pour origine les pouvoirs sataniques et démoniaques. Et nous allons prier pour que renverser tous les projets de l'ennemi qui déstabilisent nos foyers au nom de Jésus. L'entrée est libre. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Sombra puissante.